Sierra is going to talk about the causes for Virya Sambojanga to arise. Virya Sambojanga, Virya Mahala. Virya, Virya ya Pijang ne Biyoyin. Sayado va parler des causes pour que Virya Sambojanga puisse apparaître. Le Bouddha lui-même a listé qu'une cause pour l'apparition de Virya Sambojanga, mais les commentaires énumèrent 11 causes. Selon les commentaires, la première cause pour l'apparition de Virya Sambojanga est de réfléchir sur les dangers d'Apaya, d'une naissance dans les royaumes inférieurs. Apaya, Baya, Pachawekanata. Apaya signifie littéralement qu'il y a un endroit qui est dénoué de tout acte saint, des actes qui portent le bonheur et qui causent le bonheur des êtres humains, ou le bonheur des devas, ou le bonheur des nibbana. Est un endroit où pour la plupart il y a des actes malsains. Ces actes saints qui sont les trois types de bonheur, le bonheur en tant qu'être humain, le bonheur en tant qu'être céleste et le bonheur des Nibbana, les akusala, les actes malsains, ne portent pas ce type de bons résultats. Les royaumes inférieurs où sont effectués pour la plupart des actes malsains est un endroit qui est dénoué des causes du bonheur. Des quatre royaumes Apaya, on considère le royaume des animaux. C'est le royaume qu'on peut voir. Les animaux qui marchent sur la terre ou qui nagent dans l'eau ou qui volent dans l'air, en tant qu'animaux, ils ont virtuellement aucune chance d'effectuer des actes saints, des actes qui portent à la renaissance en tant qu'être humain. Pour la plupart, ils ont des illusions extrêmes. C'est une existence faite d'illusions extrêmes. Par exemple, pour la plupart, ils ne reconnaissent pas ce qui est dangereux pour eux. Ils n'ont pas assez d'intelligence. Par exemple, si vous considérez le traversée de la rue, pour les fourmis, les vers, ils traversent la rue qui est parcourue par les voitures ou parcourue par des gens. Ils ne réalisent pas que quand ils vont traverser la rue, ils seront écrasés. Donc ça est l'ampleur de l'illusion d'une existence en tant qu'animal. Un autre aspect du royaume animal est Anyamanyana Kadika, Anyamanyana Uhimsaka. Ça signifie que les animaux plus gros attaquent et tuent les animaux les plus petits. L'animal plus large, il mange le plus petit. Les animaux les plus gros, ils peuvent être tués à leur tour par des êtres humains. Ceci est le type de vie qu'ils vivent. S'attaquer et se détruire mutuellement. Vu qu'ils vivent une vie où ils se battent, ils souffrent et ils sont attaqués et puis ils meurent, leur mort n'est pas paisible. Au moment de leur mort, leur esprit n'est pas paisible, il n'est pas en paix et il n'est pas clair. Ils ne meurent pas, heureusement, s'ils meurent dans ces circonstances. Et à cause de cet état d'esprit, au dernier instant de leur vie, est difficile pour eux de sortir de ce type d'existence. Le royaume des animaux est un royaume où est difficile pour eux de faire des actes de générosité. En plus, est difficile de garder sa moralité. En plus encore, ça va sans dire, développer la concentration, développer la connaissance à travers la méditation est encore plus éloigné de ce qui est possible pour eux. Ils perdent virtuellement toute occasion de faire des actes saints dans le royaume animal. Donc, on va penser au fait que celle-ci est une sorte d'existence dans laquelle est effrayant de naître. Dans le royaume animal, il y a peu d'occasions pour développer le facteur d'illumination de l'effort. C'est ici, dans le royaume humain, qu'on a cette occasion. Si on est dans le royaume animal, on n'aura pas de chance. La façon de vous encourager est comme ça. Yogi, maintenant est le bon moment pour toi de pratiquer. Tu as la chance, donc ne renonce pas. Essaie dans la pratique. Si vous réfléchissez sur les dangers du renaissance dans les royaumes animaux, votre effort dans la pratique, votre énergie pour la pratique, il va augmenter. Donc, ceci est la première cause pour Virya d'apparaître, de réfléchir sur les dangers d'une renaissance dans les royaumes inférieurs. La deuxième cause pour l'apparition de Virya Sambojanga est Anisamsa Dasavita, de voir les bienfaits qui peuvent dériver de la pratique. Parce qu'on vit dans une époque où les enseignements du Bouddha sont connus, les enseignements du Bouddha portent quelque chose qui est véritablement pour notre bien-être et notre prospérité quand on les pratique. Sans pratiquer les enseignements du Bouddha, si nous n'obtenons pas l'illumination, alors on voyagera dans le samsara sans limite. Si on réalise au moins la première étape d'illumination à travers la pratique, alors il y aura une limite à notre voyage dans le samsara. Et aussi, ça va prévenir la renaissance dans les royaumes inférieurs. Donc, ceci sont les bénéfices qu'on peut obtenir à travers l'effort. Et à travers cet effort d'obtenir le Dhamma supramondaine de la connaissance des chemins et du fruit, on arrivera à la réalisation des Nibbana. La personne paresseuse ne peut pas obtenir ses bienfaits. Seulement quelqu'un qui fait de l'effort, seulement quelqu'un qui fait un effort courageux dans la pratique peut faire ça. Donc, vous devez vous dire, ceci est ce qui est possible maintenant. Est possible d'obtenir ces bienfaits de la pratique. Donc, ne soyez pas paresseux. Si vous faites de l'effort, vous pouvez obtenir ces bienfaits qui nous aident à travers le samsara. Et quand vous réfléchissez comme ça, votre effort augmentera. Et celle-ci est la deuxième cause pour générer de l'effort dans votre esprit. La troisième cause pour l'apparition des viriya est de réfléchir sur le chemin qu'on est en train de parcourir. Gamana Viti Pachavekanata. Ce chemin des pratiques Satipatthana est le chemin qui a parcouru le Bouddha et d'autres êtres nobles. Le chemin de Satipatthana n'est pas un chemin ordinaire. Il a été parcouru par tous les Bouddhas illuminés et par tous les Bouddhas silencieux. Et partout les nobles disciples. Et nous sommes maintenant sur ce chemin. Ceci est un chemin qui ne peut pas être parcouru paresseusement. Si on est paresseux par rapport à la pratique, alors on pourrait se retrouver sur un mauvais chemin. Et si on va sur le mauvais chemin, alors on souffrira. On doit réfléchir sur le fait que si on va parcourir le mauvais chemin à cause de notre paresse, alors on est sûr qu'on va souffrir. Ce chemin de Satipatthana est le chemin que nos enseignants ont parcouru. Et si on réfléchit sur ce chemin qui était parcouru par nos enseignants précédents, le Bouddha inclus, alors Virya Sambojanga va sûrement apparaître. Ce chemin de Satipatthana a été parcouru par des gens qui ont abandonné des bonnes familles, qui ont abandonné des situations confortables, ils avaient de la richesse par exemple. Et la raison par laquelle on abandonnait ces choses est parce qu'ils avaient pleine confiance dans le fait que ce chemin va apporter un bonheur plus grand. Et ils ont pratiqué ce chemin et ils ont obtenu ce bonheur. Le Bouddha lui-même a passé 45 ans à enseigner, à aider les autres à aller sur le chemin et à réaliser ses bienfaits. Et ceci est le chemin où on est maintenant. Les gens qui ont pratiqué ce chemin dans le passé ont développé la connaissance étape par étape et finalement ont obtenu la libération. Du coup, on doit considérer la valeur de ce chemin qui a été parcouru par les êtres nobles avant nous. Et si nous considérons ça, alors Virya Sambojanga apparaîtra. La quatrième cause pour l'apparition des Virya Sambojanga est Pindapatapachayanata, qui est d'avoir respect pour la nourriture donnée. Pas simplement la nourriture donnée, mais tous les quatre nécessités que le laïc prépare pour les moines. Ce point concerne plus les moines qui dépendent des laïcs pour leur support. Quand on dit que les moines doivent avoir respect pour les choses qui sont données, ça ne veut pas dire la façon de les manipuler, mais de respecter le fait que les gens les supportent à travers ces dons. Et pour nous, on devrait respecter le support des gens qui rendent cette retraite possible. Certains gens, avec l'aide de leur famille, donnent de l'aide ici, mais même si on paie, on arrive dans un centre où les gens mettent leur effort en donnant les bâtiments, en soutenant les centres. Les gens viennent et soutiennent la retraite avec leur bénévolat. Donc tout ce support est quelque chose qu'on doit traiter avec respect. Les gens donnent avec l'espoir qu'on puisse pratiquer et obtenir la libération. Donc, on devrait considérer ce support pendant qu'on utilise notre être, notre corps et notre esprit pour développer la pratique et éliminer les pollutions. Quand on considère la quantité du support qui a été fourni pour nous donner cette opportunité, alors si on considère ça pendant nos pratiques, ça peut apporter l'effort à notre esprit. À travers mon effort, puis-je obtenir Nibbana à travers l'utilisation de ces bâtiments, de ce lieu, de cette nourriture qui sont offerts. La cinquième cause pour l'apparition des Virya Sambojanga est Daya Jamarata Pachaweka Anata, de considérer la grandeur de l'héritage qui nous dérive des sages. Dans les enseignements du Bouddha, l'héritage qui vient des sages, l'hérédité qui est obtenue quand quelqu'un devient un être noble, ce sont sept qualités. La première est la foi, la deuxième est moralité, sila, la troisième, iri, la honte morale, la quatrième, otapa, la crainte morale, la peur de faire quelque chose de mal, la cinquième est sutta, apprendre, la sixième est chaga, la générosité. La septième est panya, la sagesse. Ceci sont les qualités qui possèdent les êtres nobles, car elles apparaissent dans une personne quand elle devient un être noble. Dans le monde, peu importe la richesse d'une personne, peu importe son background familial, la richesse qu'on peut obtenir dans l'héritage est quelque chose de matériel. La richesse matérielle est quelque chose qui peut être détruite. Elle ne nous suit pas dans nos existences futures. Mais l'héritage qu'on obtient en devenant un être noble est non matériel. Ce sont des qualités qui nous sont bénéfiques, pas seulement dans cette vie, mais dans les existences suivantes. On doit donc réfléchir sur l'excellence de l'héritage qui vient des sages. La sixième cause est Satumarata Pachaweka Anata, qui est de réfléchir sur la grandeur du maître, qui est la grandeur du Bouddha et de ceux qui ont montré le chemin. Le Bouddha a montré le chemin correct. Avant l'illumination du Bouddha, la plupart des êtres humains ou les êtres célestes ou les brahmas, étaient sur le chemin erroné. Ils avaient plusieurs idées, des différentes perceptions et différentes croyances. Ils ne voyaient pas le bon chemin. Ils faisaient simplement ce qu'ils pensaient être juste. Les gens parcouraient le mauvais chemin, en plus en faisant des mauvaises actions. Le Bodhisattva, quand il était l'ermite Sumedha, il a regardé tous les êtres et il a eu compassion pour eux. et il décida qu'il allait suivre le chemin vers la bouddhité afin de pouvoir enseigner au plus de gens possible. Il avait l'urgence d'être quelqu'un capable d'enseigner le chemin aux autres. Donc, après avoir pris cette décision, il a réalisé les 10 paramis, en commençant par Dana. Ça lui a pris plusieurs éons et plusieurs cycles du monde. Ça lui a pris vraiment beaucoup de temps pour réaliser ça. Et à travers son effort, il a réalisé les paramis et il a découvert le bon chemin. Et il l'a montré aux autres. Ça est la grandeur de l'enseignant de ce chemin. Et quand on considère ça, sa grandeur, ça permet à l'effort d'apparaître en nous. La 7e cause pour que l'effort puisse apparaître est de considérer la grandeur de notre lignée, ou notre Jatimahata Pachawekana. Qu'est-ce que veut dire considérer la grandeur de notre lignée? Ici, on pratique la méditation Satipatthana et on développe le sang, la lignée du Dhamma qui est en nous. À travers le développement du Dhamma, c'est comme si on devenait les fils et les filles du Bouddha. On devient ses parents, ses proches à travers la pratique. Une autre façon de dire Jatimahata est la grandeur de notre naissance. Et ça n'est pas notre naissance, notre classe sociale mondaine. On y pense en termes de Dhamma. On pratique et on attend la libération. En pratiquant comme ça, nous sommes des gens qui descendent du Bouddha. On est frères et sœurs d'Erahula, le fils du Bouddha. Donc, n'est pas approprié pour nous de renoncer. On ne doit pas renoncer, on doit continuer à essayer. Donc, considérer la grandeur de comment on descend de ces grandes personnes. En pratiquant Satipatthana, on peut augmenter notre effort et développer la pratique. La 8e cause pour l'apparition de l'effort est Sabramacharimahata Pachawekanata, qui est de réfléchir sur la grandeur de nos compagnons des pratiques du Dhamma. Pas seulement nos compagnons dans le Dhamma du présent, mais aussi les pratiquants du Dhamma au temps du Bouddha. Les moines et les nonnes et les novices. Et entre les moines, il y avait le vénérable Sariputta et le vénérable Mahamoggallana. Ils pratiquaient ce Dhamma et ils ont atteint la libération finale. Si on considère leur grandeur, alors on peut générer de l'effort. Et entre les nonnes qui pratiquaient au temps du Bouddha, il y avait sa belle-mère Gotami. Il y avait aussi Upalavana, une des grandes disciples. Et elles faisaient de l'effort dans la pratique et elles ont obtenu la complète libération. Donc, cette pratique n'est pas quelque chose qui peut être faite avec un effort ordinaire. Ces personnes excellentes ont pratiqué et ont obtenu la libération à travers un effort diligent. Et nous aussi, on peut faire le même. Donc, on doit nous encourager de cette façon. Et si nous considérons la grandeur de nos compagnons de pratique, alors l'énergie peut apparaître dans notre esprit. La 9e cause pour générer viriya est d'éviter des gens paresseuses. Kusita Pugala Pariwajanata. Les gens qui sont paresseuses n'ont pas l'énergie physique et n'ont pas l'énergie mentale. Kaika viriya et Chetasika viriya. Et si on s'y associe, alors on risque d'attraper leur paresse. Donc, si on veut développer l'effort en nous, on doit éviter des gens comme ça. La 10e cause est Arada Virya Pugala Sewanata, qui signifie qu'on doit s'associer à des gens qui possèdent un effort ferme, un effort bien développé, un effort intact. Une telle personne dirige son effort vers la libération pendant l'assise, pendant la marche et pendant les activités quotidiennes. Ils dirigent leur énergie physique et mentale vers la pratique. Ils ne relâchent pas leur effort. Ils ne prennent pas de pause dans la pratique. Si on s'associe avec des gens qui font de l'effort dans la pratique assise, qui font de l'effort dans la pratique en marche et qui font de l'effort pendant les activités quotidiennes, nous pouvons apprendre plus sur la pratique en entourant ces gens. Mais aussi, on peut gagner de l'énergie en entourant ces gens. On peut attraper leur pratique énergique et la développer en nous. Donc, on devrait s'associer avec ces gens qui ont cet effort bien développé dans la pratique. La 11e cause pour développer Viriya est Tadadimottata, de toujours pencher l'esprit vers le développement de l'effort, de donner toujours priorité au développement de l'effort dans toutes les quatre postures. Essayez d'observer l'objet qui apparaît avec pointage et effort. Faire des efforts afin de ne pas rater aucun objet. Essayez de cette façon. On doit avoir l'attitude de ne rien manquer. Ça signifie qu'on dirige toujours l'esprit vers l'observation de l'objet qui apparaît. Et quand on fait ça, la paresse n'apparaît pas. À sa place, il y a des efforts qui apparaissent l'un après l'autre. Si on a une attitude négligente, alors viriya n'apparaît pas dans l'esprit. Et sans viriya, on ne peut pas développer le dhamma. Sayado vous souhaite d'être capable de développer le pouvoir de viriya étape par étape jusqu'à qu'il devienne très énergique et finalement éliminer toutes les pollutions. Sayado espère que nous serons capables de détruire les pollutions complètement et devenir des personnes qui ont un effort bien développé en eux. Et avec cet effort, accomplir, réaliser le but ultime des Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.